Le coup de cœur d'Élodie sur la première. Salut à toutes, cette semaine j'ai le plaisir de mettre en lumière un événement qui se tiendra ce samedi 31 mai à Montgaillard au domaine Moka. Il est gratuit, ouvert au public, mais il est fortement recommandé de s'inscrire si vous souhaitez participer à cette belle journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Événement organisé par le CCEE avec à sa tête ce monsieur. Je m'appelle Michael Maillot, moi je suis directeur du Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région Réunion. Aux auditeurs de me retrouver dans le coup de cœur de cette semaine. Si Zati connaît pas conseiller ce fameux CCE, nous va expliquer à Zot, mais d'abord nous fait connaissance avec monsieur le directeur, Michael Maillot, qui ça au lait ou ça au sort. Mais c'est un yab, mais sur la plaine des palmistes. Au-delà de ça, donc j'interviens dans le cadre de mes fonctions de directeur du Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Alors à la base, je suis géographe de formation. J'entendais encore les conseillers d'orientation de l'époque qui me disaient qui vous attend, c'est l'enseignement. Donc moi j'ai choisi la territoriale parce que je voulais dans un premier temps travailler dans l'aménagement. La recherche d'emploi m'a amené à postuler au Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. J'ai décroché un poste de chargé de mission sur les questions de culture, d'audiovisuel. Ma formation initiale en géographie m'a amené à travailler aussi, à traiter sur des questions d'environnement, de tourisme. Ensuite, ma curiosité un peu professionnelle m'a amené à travailler sur les questions d'éducation populaire et le sport. À partir de là, j'ai tenté ma chance en postulant au poste de directeur. Ça a été accepté et donc j'y suis depuis 2010. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement ? Que faites-vous exactement ? Je travaille avec une équipe de 12 collaborateurs à donner des avis avec 31 conseillers au Conseil régional sur les questions de culture, d'éducation et d'environnement. Ces domaines doivent être pris dans un sens un peu plus large, à savoir la culture, c'est tout ce que peut regrouper le ministère de la culture, mais aussi les questions de langue, d'histoire, de société, et en l'occurrence régionale. Un peu indien-océanique parce que nous avons un conseil de la culture à Mayotte également. Ensuite, au niveau de l'éducation, c'est l'éducation initiale, la formation professionnelle, c'est de l'éducation de 7 à 77 ans. Il faut rajouter à cela l'éducation populaire. Et enfin, l'environnement. Alors, ce qu'on a l'habitude d'appeler le champ foutu chez nous, au CCE, parce qu'on traite non seulement de l'environnement, biodiversité, nature, mais aussi des problématiques d'énergie, de mobilité, de tourisme, d'énergie, sport, c'est vraiment très très large comme approche et donc c'est en lien avec l'ensemble des compétences du Conseil régional et on rajoute les affaires européennes, la coopération régionale et au fur et à mesure de l'évolution des compétences de la région, nous nous adaptons à cela. Merci monsieur le directeur du CCE pour cette présentation complète de votre conseil. Michael Maillot, c'est un homme engagé, passionné et entouré d'une belle équipe. Il fait battre le cœur culturel de notre île avec conviction. C'est mon coup de cœur de la semaine.